bravo, bras rien. Du coup, bravo, bras rien, c'est ça? Vas-y. On fait avance, je fais ta même chose. Vas-y, vas-y. Tu veux que ça se qualifie? Vas-y. Oui, d'accord. Vas-y, monsieur. Retourne toujours sur le gaz. Voilà. C'est-à-dire, boxe, c'est un enchaînement d'attaque et se défendre. C'est un enchaînement entre l'attaque et se défendre. Alors, on attaque, on se repositionne. C'est important. Ça peut aider au niveau de philosophique. Mais c'est ça au niveau du torse, alors c'est pas des pas en avant ou des pas en arrière. Des fois, c'est que comme ça aussi. Oui, ça, je vais le dire. Ouais. Je vais en parler de ça. C'est de l'esquive. C'est une sorte d'esquive. Alors, vas-y, continue. Avant, tu avances, avance les bras, avance. Voilà, regardez son pied quand il avance. Avance. Mais tu disais la meilleure défense, c'est latéral. Voilà, c'est, alors, pas, c'est unilatéral. Voilà, c'est-à-dire, pourquoi c'est unilatéral et c'est pas vrai? Parce que quand vous attaquez, vous êtes ouvert. C'est le meilleur moment de contre-attaque pour l'adversaire. Alors, c'est-à-dire, la boxe, attaquer et se défendre, c'est les deux. C'est-à-dire, de unilatéral, si on a du temps, j'avais écrit sur littérature de boxe, alors j'avais trouvé un exemplaire de combat de Che Guevara. Voilà. Alors, dans la tactique militaire. Alors, il avait dit une très belle chose. Il avait dit que... Il était boxeur? Non, il était non, sur la tactique militaire. On peut l'utiliser pour la boxe, c'est vrai aussi. Il a dit que si on est de guérilla dans la montagne et il y a une troupeau d'armée qui passe devant nous et on croit qu'on peut l'attaquer, mais on n'a pas suffisamment de arsenal pour si deuxième groupe arrive tout de suite. Il dit si on croit qu'on peut l'attaquer et on peut prendre leur arsenal et de combattre deuxième, il dit il ne faut pas faire ça. Parce que peut-être le deuxième va arriver très vite avant de prendre les... Alors il dit que dans ce cas-là, on n'attaque pas. S'il y a une possibilité de deuxième groupe qui arrive, on n'attaque pas. On ne prend pas de risque. Alors, c'est pour ça, sur le ring, s'il y a un boxeur qui attaque sans souci de se défendre, on va le mettre dehors. Il perd. Arbitre, il va stopper le. Parce qu'il a pas, il est bagarreur, il n'est pas boxeur. Il n'a pas de souci de se défendre. Comme dans la vie aussi, je vois. Je fais des combats idéologiques, voilà, en écrivant des articles sur la Facebook avec les Iraniens. Alors, je vois, il y a les gens qui écrivent des choses très violentes sans souci de se défendre. Alors, c'est une bagarre, c'est la boxe. Alors, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est vous attaquez, voilà. Alors, en réalité, vous mettez face à face. Alors, tu lances gauche, droite, gauche. Voilà. Tu vas le gauche, droite, gauche. Vas-y. Tu vas taper sur le. Sur le. Vas-y. C'est toi qui dois. Voilà, tu fais bien. C'est toi qui dois taper. C'est moi qui dois taper gauche. Voilà, non, tu tapes vraiment ici. Ah, là, d'accord. Oui. Tu commences par gauche. Tu commences par gauche. Voilà. Tu la gauche. Droite, gauche. Voilà, proposition. Vas-y, continue. Voilà. Alors, toi, la question que tu as posée, je l'explique ici. Vas-y. Alors, dégage-moi. Tu retournes dans ta vie, c'est-à-dire dégage-moi. On ne va pas enchaîner les coups. Vous enchaînez pas le coup. 1, 2, 3. C'est bon. Dégage-moi. Mais du coup, est-ce que tu penses que le, parce que tu dis que la boxe, c'est avant tout un sport tactique, donc de réflexion. Oui, beaucoup de tactique, c'est-à-dire après on va travailler, je vais vous apprendre comment analyser l'adversaire. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand j'avais en Afrique sur la boxe, il y avait mes amis politiciens tout ça. Ils ont dit qu'on croyait le boxe et entrer les gens puissants, boum, boum, violents. On ne croyait pas que c'est aussi délicat dans chaque tactique. C'est ultra délicat. C'est-à-dire, c'est très complexe. C'est un sport très complexe. Et le rôle de tactique, de prendre une décision, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a la force physique, mais il y a ça. Voilà. Alors, continue. Alors, tu fais pareil ? Voilà, plus fort. Voilà. On m'avait demandé sur la philosophie et la logique de boxe. J'ai pas trouvé aucune définition mieux que Nelson Mandela. Nelson Mandela, s'il était pas en prison, s'il tombait pas en prison, il était un grand champion du monde. Mais après, il était arrêté, il était en prison, mais c'était un boxeur. Nelson Mandela. Alors, on l'a demandé pourquoi tu aimes la boxe. Il dit que parce que sur le ring, je vois que comment on est obligé de s'organiser en face de l'adversaire avec le moyen physique et mental, comment on essaye de s'organiser. Cette intelligence qu'on a besoin de s'organiser. En même temps, les deux, la force physique et la force mentale. C'est pour ça, c'est ça le boxe. Alors, en réalité, c'est pour ça qu'on appelle noble art. Noble art. Alors, la loi de boxe, c'est pris de la loi de la guerre en général. C'est pas au contraire. C'est-à-dire, quand on dit attaque, préparation d'attaque, c'est la guerre. C'est la guerre. Contre-attaque, c'est la guerre. Attaque dans l'attaque, c'est la guerre. Tout ça, ce sont des tactiques de la guerre. Alors, la logique de la boxe, c'est pris de la guerre. Voilà. Mais alors, justement, est-ce que tu, ceux qui disent que c'est un sport violent, non, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas ça. Déjà, je vous donne des chiffres au niveau de violence. Les blessés graves dans le foot et vélo, c'est 10 fois plus que la boxe. Grave, grave. Casser les pieds, casser les... Vraiment grave, hein, c'est blessé grave. Beaucoup de morts dans le vélo. Est-ce que c'est un sport de violent? Il y a autant de blessés. Tandis qu'au contraire, les boxeurs, ils se protègent. Ils sont conscients. Vous voyez, dans le foot, ils sont en train de jouer comme ça. Boum, ils cherchent le balle. Le reste, non. Ils tombent, boum, ils cassent le pied. Ils cassent. Alors, non. Après, quand on a une capacité, c'est à nous de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Alors, vous apprenez la boxe, vous voulez l'utiliser ou pas. Vous êtes maître de vous. On ne peut pas dire que vous allez devenir violent. Au contraire, en plus, je dis que si vous apprenez la boxe, en général, ce sont les gens faibles qui sont violents. Parce qu'ils ont peur. Ils deviennent violents parce qu'ils ont peur. Mais si vous êtes fort, vous avez une dignité. Ça vous compte, ça va pas vous faire peur. Vous êtes attaqué, ça vous inquiète pas. Vous savez où vous défendre. Alors vous pouvez rester calme à partir de ce moment, maîtriser. C'est la maîtrise de soi, en réalité. C'est vrai que dans la boxe professionnelle, il y avait de violence. Oui, je suis contre la boxe professionnelle. J'ai pas d'élèves de boxe professionnelle. Je ne signe pas un contrat. C'est-à-dire, même même au niveau de coups sur le visage d'un boxeur. Même un boxeur, il ne va pas arriver de donner des coups sur le coup très fort sur le visage. Hein. Ça n'arrive pas. Vous n'allez pas arriver, vous apprenez la boxe, vous ne pouvez pas donner un coup efficace sur votre adversaire. Il se défend, il va esquiver. C'est pas facile à donner. En réalité, même, il ne recevra pas des coups. Messieurs, dames, bonne journée. Merci, merci. Beaucoup. Alors, et je voulais parler d'un autre sujet que c'était intéressant. C'est Il y a dans le... Il y a... On dit que les sports, c'est le... Voilà. C'est... les sports des écrivains, la boxe. Alors, il y avait des écrivains, pas mal d'écrivains, qui étaient boxeurs. Jack London. Alors, ça s'appelle Sur le ring. Alors, il y avait une pièce de théâtre il y a quelques années à Paris qui se passait sur ça. C'était la boxe. Alors, j'étais à Courbevoie. Il y avait une équipe de théâtre qui descend là-bas avec une autorisation de municipalité pour me voir. Ils m'ont dit qu'on a une autorisation pour regarder la boxe, pour faire la boxe, pour enregistrer, pour tout ça. Alors, et qu'on va jouer cette... voilà. Alors, Jack London, avant de devenir un journaliste, écrivain, il gagnait sa vie en boxant. Alors, ça c'est magnifique, j'écris un article là-dessus. Je le prie, je le présentais en tant que œuvre littéraire, mais je le critiquais sur le défaut qu'il propose. Ce qu'il propose à son boxeur, il y a pas mal de défauts. Alors, je le critique en tant qu'un entraîneur de boxe. Alors je dis, qu'est-ce que ça va dire ça, hein? C'est un faux, c'est défaut, c'est un, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, tout ça. Alors je l'appelais l'article critique technique et tactique de littérateur de boxe. Alors, il y a Ernest Hemingway. Hemingway, il était un boxeur aussi. Il aimait beaucoup la boxe, il était boxeur, il gagnait aussi sa vie avec la boxe. $50,000. Alors, c'est un boxeur qu'il a mis l'argent sur sa défaite. Voilà. Alors, mais il gagne sur le ring, il gagne. Mais il avait misé sur sa défaite. Voilà. Alors, c'est-à-dire, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de films, comme le Baby Million Dollar de Clint Eastwood, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de films tout le temps sur la boxe, beaucoup de littérature, surtout en Amérique, dans le monde anglo-saxon. Il y a énormément de littérature de boxe qu'il mérite, il y a de très belles choses dedans. Alors, vous voyez, vous le connaissez. Voilà. Alors, je le lisais. Alors, dans le théâtre, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que voilà, le théâtre, il doit avoir sa langage. Il ne doit pas être littérature sur le scène. Il ne faut pas qu'on vienne sur le scène pour lire le texte. Il faut sa logique, sa langage physique. Alors, je trouvais, il essaye de l'expliquer. Je trouvais que s'il savait la boxe, il pouvait comprendre que c'est la même chose. Dans la boxe, vous devez copier. C'est la physique. Vous copiez, vous regardez, vous copiez. Vous copiez, même vous regardez les vidéos. Comment on peut avancer un peu lui? Alors, regardez les vidéos, copiez. C'est-à-dire que c'est des copies, c'est physique. Voilà, alors si quelqu'un va travailler. Pour finir, oui, s'il y a des questions ou des interventions. Voilà. Vous voyez, par exemple, même les grands champions de. Le plus grand, c'était le plus grand sportif du monde, Mohamed Ali Clay. Alors, je vais dire que sur la créativité de l'esport et la boxe. C'est-à-dire que l'esport, c'est une base pour être créatif. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que vous allez comprendre le rapport de force. C'est rapport de force est vraiment quelque chose d'intéressant dans l'esport. Ça vous apprend que cet rapport de force, comment on peut le dépasser? Comment on peut devenir plus fort, plus combattant, tout ça? Alors, et où les choses qui est faisables et qui sont là ou qui sont pas faisables. Voilà, tu viens, tu me dis que tu vas être champion de la boxe. Voilà, je te dirai 2 ans. Tu viens 2 ans régulièrement, je te fais une championne de boxe. Ah, dans 2 ans? Oui, mais, voilà, mais 4-5 jours, 4-5 heures par jour. Ah ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça le rapport de force, c'est ça la force. C'est, on ne le dépasserait pas. C'est-à-dire, il y a une limite. Voilà. Et voilà ça, c'est-à-dire, c'est... j'avais mis le t-shirt de lit, mais voilà, c'est le t-shirt... Donc ça termine avec un striptease. Voilà. Voilà, ça c'est le short de boxe pour voir que c'est où ça. Alors, voilà, c'est Mohamed Ali. C'est intéressant parce que cet homme, à 22 ans, il avait tout l'avenir de boxe devant lui, de milliards de grands. Mais il a pris de risques d'entrer dans le mouvement antiraciste américain. Et dans le plus radical, Nation of Islam. Il est entré dans quoi, pardon? Il est entré dans le mouvement de antiracisme. Il a refusé d'aller au Vietnam. Voilà, il a refusé d'aller au Vietnam. Il a pris tous les risques, il avait tout. Même à 22 ans, il était champion du monde. Alors, juste avant le combat avec Tony Liston, il a défendu le Nation of Islam, qui était un mouvement antiraciste. Raciste très, très radical. Il y avait à l'époque Martin Luther King, qui était beaucoup plus modéré, réformiste. Alors, et si vous regardez les phrases qui sortent cet homme, vous voyez quelle créativité il a. C'est un artiste, c'est un homme de théâtre, c'est un philosophe. Certaines phrases de lui, c'est comme des idées philosophiques formidables. Alors, voilà, alors j'avais préparé énormément ouais, de choses. Et puis bon, ça a été un peu particulier. Alors, peut-être que pour terminer, est-ce que quelqu'un a des questions, voilà, ou des réflexions? J'arrête. Moi, ça serait une question sur qu'est-ce que la boxe peut apporter à ce genre de mouvement, selon toi? C'est-à-dire, voilà, plusieurs choses. Premièrement, dans les sports, c'est le même manque qu'il est, par exemple, dans l'éducation nationale. C'est-à-dire les sports en général, en France, c'est le même manque des salles de boxe, des salles de les sports, ça manque, des matériels, ça manque, des entraîneurs qualifiés, ça manque, et surtout ça manque du temps pour les jeunes. Vous voyez, c'est, les jeunes, après le travail, ils viennent, ils sont fatigués, ils ont d'autres choses à faire, tout ça, pour faire régulièrement l'investissement. Pour qu'il soit efficace, il faut 3-4 fois par semaine, 1h30. Alors, ça, il faut avoir du temps. Alors, il faut demander baisse du temps de travail, au moins 32 heures, pour que, voilà, il y a des revendications. Ça peut être une revendication de nuit debout, alors. Travaillez moins pour faire de la boxe. Voilà, voilà, c'est-à-dire, il y a une revendication, qu'il est aussi comme l'éducation. C'est d'autres revendications, comme l'éducation nationale. Et surtout les enfants, s'ils font la boxe ou ils font d'autres sports, ils vont apprendre rapidement d'autres choses. Même surtout dans la boxe, c'est très important pour les enfants parce qu'ils apprennent tout de suite l'équilibre. Toujours quand on grandit, on a un problème d'équilibre. Alors dans la boxe, c'est en excellent, on apprend l'équilibre. Alors, tout de suite, après, on comprend la notion d'équilibre. Alors, créativité. Alors, je voulais parler, j'ai écrit un roman. Ça sera le mot de la fin, la conclusion, Issa, voilà, parce qu'après, il faut qu'on continue les interventions. J'écris ce roman, et vraiment, malgré que mes études, c'était... littérature, tout ça. Vraiment, sans littérature de boxe et sans être boxeur, je pouvais pas le compléter. Je pouvais pas être créatif. Il fallait voir comment je peux prendre un roman. J'écrivais d'autres choses, mais j'avais pas écrit le roman. Alors, c'était le livre de recherche que j'avais écrit. Alors, vraiment, c'était la boxe qu'il m'a aidé à être créatif pour faire ce roman. Moi, je veux juste une réflexion par rapport à justement ton intervention, enfin sur l'idée de la boxe. Tu dis qu'il faudrait plus dans les écoles, et puis c'est vraiment là ce que j'ai retenu, c'est cette notion d'attaque et de défense, mais aussi dans comment on se parle et qu'on fait le débat entre nous, là pour Nuit Debout, pour le relier vraiment complètement, ou ailleurs hein, d'ailleurs. C'est que souvent, voilà, on mène des combats, enfin, on a envie de développer des idées, et pour moi, enfin, je l'entends comme ça. L'idée de la défense, c'est aussi à un moment donné être capable de faire une marche, arrière pour écouter aussi ce que l'autre a à dire, et que c'est aussi comme ça qu'on fait la transformation des idées et la recherche pour aller vers une solution commune, et que si on reste finalement en attaque, tous simplement les uns contre les autres, et ben finalement le débat devient stérile. Enfin moi c'est ce que j'ai entendu. Je suis obligé d'ajouter une autre phrase. Je parlais avec une psychologue. J'étais en train de discuter avec quand il a compris que je suis boxeur. Et il m'a dit que notre maître dans la psychologie nous a conseillé d'aller faire la boxe. Je lui dis pourquoi. Il nous a dit que vous allez recevoir beaucoup de coups. Avec la boxe, vous allez apprendre à gérer le coup. Oui. Mais c'est sûr que là, ce qui est par rapport aux dernières choses que tu as dit, ce qui est important, c'est de bien voir la. Comment il y a plusieurs domaines qui a priori ne sont pas liés. Là, tu parlais de la littérature et de la boxe, mais comment en fait finalement on a tendance, alors peut-être dans nos civilisations occidentales, je ne sais pas, on a énormément cloisonné les choses. Alors en France, on est assez spécialiste pour ça, alors qu'en fait il peut y avoir des choses qui s'interpénètrent et qui sont très très très intéressantes. Exactement, finalement c'est comme ça. Exactement. Et, ben, merci beaucoup. Bon, ben, super, merci beaucoup Issa.